Adieu, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Adieu. Ce soir encore j'ai pu chérir la vie. D'ici je la voyais, j'avais l'âme ravie, je rêvais de bonheur en contemplant ses traits. C'est qu'elle était si belle aussi. Mais oh, si belle qu'un chérubin pensif eût voulu de son aile l'effleurer en passant pour la voir de plus près. Souvent je l'admirais, car souvent, sans rien dire, je suis venu m'asseoir en proie au même empire près de cette fenêtre où j'ai gémi souvent, d'où j'ai poussé tout bas des soupirs pleins de larmes en voyant devant moi s'étaler tous ces charmes qui me semblaient narguer mon amour décevant. Bien souvent j'ai cru voir sous ce charmant visage les traits d'un séraphin dont la divine image se serait incarnée au baiser du soleil, d'un bel ange tombé de l'éternelle sphère et qui regretterait, égaré sur la terre, les parfums enivrants d'un Olympe vermeil. Souvent, oh bien souvent. Pourtant jamais mon âme n'avait souffert autant de l'ardeur de sa flamme, jamais soudain mon cœur n'avait battu si fort, car c'est le dernier soir, c'est le dernier sans doute, et sans but désormais, je poursuivrai ma route. Si l'on mourait d'amour, demain je serais mort. Tu ne sais pas, pendant que folâtre et rieuse, penchée à ton balcon, tu suivais oublieuse et d'un regard distrait chaque passant nouveau, que moi, triste et pensif, délaissant tout au monde près de toi, je cherchais à ma douleur profonde un baume que je dois ne trouver qu'au tombeau. Aussi, pourquoi vouloir porter si loin mon rêve? Dis-moi pourquoi mon œil ambitieux se lève de la terre au sol noir jusqu'au ciel au front bleu. Comment moi, qui pour tout jette une rime vaine, j'ose ainsi contempler ta beauté souveraine? Mais le démon lui-même osa contempler Dieu. Beaucoup te l'auront dit, et mieux que moi peut-être, que ton front était fait pour plaire et pour paraître, que tout à tes genoux devait se prosterner. Mais aucun plus que moi n'a senti ta puissance, aucun surtout n'a vu plus amère souffrance dans le fond de son cœur un jour s'enraciner. Nul ne t'a plus aimé, et nul ne peut sur terre te vouer à jamais tendresse plus sincère, ni te mieux consacrer les soupirs de son cœur. Nul plus entièrement ne donne sa pensée, nul ne pleurera plus l'illusion passée, nul ne s'enfermera dans pareille douleur. Fin de Adieu, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.